511, activation, pronunciation of numbers. Listen, observe, and repeat. Il a un frère. Il a cinq frères. Il a deux frères. Il a six frères. Il a trois frères. Il a sept frères. Il a un ami. Il a cinq amis. Il a deux amis. Il a six ans. Il a trois ans. Il a sept ans. Il a quatre frères. Il a huit frères. Il a neuf cousins. Il a 18 sœurs. Il a 19 cousins. Il a 20 cousins. Il a 4 ans. Il a 8 ans. Il a 9 ans. Il a 18 ans. Il a 19 ans. Il a 20 ans.